Bonjour mesdames et messieurs, à l'écoute de la radio Scorer Ndiragakura, bienvenue dans cette édition de la matinée dont voici d'abord le sommaire. Le président de la République met en garde tout fonctionnaire qui se présente au service avec retard ou qui rentre avant l'heure. Il précise que s'il ne change pas de comportement avec l'année 2017, il sera révoqué et remplacé. La première dame Denise Nkurunziza a visité ce lundi l'hôpital de Wuye en commune Mumba de la province Ngozi dans le but de souhaiter meilleure vie du nouvel an 2017 aux malades de cet hôpital. Désormais, le ministère de l'Éducation dispose d'un numéro vert pour faciliter les services aux usagers des services de ce ministère. Ce numéro est 22 22 50 36. Vous aurez les détails dans cette édition. Voilà pour les grands titres. Bienvenue encore une fois, Girdas Irans assure la mise en onde. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, met en garde tout fonctionnaire qui se présente au service étant en retard, ceux qui ne sont pas assidus, ainsi que ceux qui rentrent avant les heures de service, qu'à partir de cette année 2017, ils doivent changer de comportement, sinon ils seront révoqués et remplacés. Il met en garde également ceux qui gèrent mal au téléphone de bureau, ce qui implique le paiement de rôles de facture de Ronater par l'État. C'était lors de la conférence publique animée la semaine passée au chef-lieu de la province Khoutana. Il est traduit par Isaïe Minan. Au ministère de la fonction publique, nous avons constaté qu'il y a certains fonctionnaires moins dynamiques. Dans la retraite gouvernementale faite, nous avons pris des mesures que, dès le début de l'an 2017, nous allons procéder à l'éducation patriotique et à l'amour du travail. Donc, tout fonctionnaire qui va au travail, il faut d'abord la ponctualité, l'assiduité et le rendement au travail. Ceux qui avaient l'habitude d'arriver à 8 heures au service, une demande d'explication leur sera adressée. Nous allons rassembler les heures non prestées. Si nous constatons que dans un mois, qui totalise des heures d'absence que le statut général des fonctionnaires considère comme une absence au service ou désertion au travail, tu vas directement être remplacé par ceux qui veulent du travail qui ont de l'esprit patriotique. Nous savons aussi qu'il y a d'autres qui abusent dans la mauvaise gestion du téléphone au bureau avec de lourdes factures de l'ONATEL pour la simple raison que c'est l'État qui va payer ses consommations. Tout cela, nous allons les contrôler rigoureusement à partir de cette année pour les ramener à l'ordre. La première dame Denise Nkurunziza a effectué ce lundi une visite à l'hôpital de Wuye de la commune Mumba en province Ngozi dans le but de souhaiter les meilleurs vœux de l'an 2017 aux malades de cet hôpital. La première dame Denise Nkurunziza s'était munie du repas de Fanta et d'Ire. C'est un reportage de Bonaventure Bankika de Pingozi. La première dame Denise Nkurunziza s'est jointe aux malades de l'hôpital de Wuye dans la commune Mumba, province Ngozi, ce lundi pour leur souhaiter les meilleurs vœux de nouvel an 2017. Lors de cette visite, Denise Nkurunziza s'était munie du repas de Fanta ainsi que du lait connu sous l'appellation d'eau Natura. Comme l'a indiqué la première dame Denise Nkurunziza, l'objet de cette visite était de montrer aux malades, sans oublier aussi les gardes malades, que même s'ils sont à l'hôpital, il est très important de savoir qu'ils sont déjà entrés dans le nouvel an et d'ajouter qu'il a voulu partager avec eux ce repas pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, qu'il existe d'autres personnes qui pensent à eux. Denise Nkurunziza a imploré le Tout-Puissant de tout faire pour que ces malades puissent se trouver en léger mieux afin de pouvoir retourner dans leur foyer. Vous saurez qu'environ 120 patients, y compris les gardes malades, ont pu bénéficier de ce geste humanitaire posé par la première dame Denise Nkurunziza. C'est une gosie. Bonaventure Vanika pour la radio scolaire Ndiragakura. Merci, Bonaventure. Et ce mardi, la première dame Denise Nkurunziza s'est rendue à sa colline natale qui est Mulemera, zone Gatsinda, commune Mumba, pour souhaiter les meilleurs vœux de 2017 à ses voisins ainsi que les amis. Ces derniers ont souhaité à la première dame et à sa famille une année de prospérité. Le ministère du Développement communal est inquiet de la mise en application de l'idée de la centralisation de toutes les taxes au niveau de l'OBR, une idée concordante entre les opérateurs économiques burundais et l'OBR. La ministre du Développement communal, Jeanne d'Arc Kagayo, indique que la perception des taxes devrait se faire conformément à la loi en vigueur et demande un dialogue élargi entre tous les intervenants dans ce secteur. Et nous avons exprimé notre inquiétude par rapport à la recentralisation de la perception des taxes. Déjà, le cadre légal existant et précise bien le type de taxes qui doivent être perçues au niveau de la collectivité locale, au niveau des communes. Cela a été précisé à travers la loi numéro 1/02 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi. Il y a bien des précisions sur les impôts et taxes et contributions être perçus au niveau des communes. Et ils sont bien détaillés en 10 points. Je dirais peut-être que nous avons encore une petite difficulté de la mettre en application suite aux annexes qui ne sont pas encore attachées à cette loi et distribuées dans les communes. Notre inquiétude est fondée sur l'évolution déjà de la politique nationale de décentralisation qui trouve la commune comme étant la véritable porte d'entrée du développement. Si on recentralise la perception des taxes. Déjà, la perception des taxes, c'est un travail qui dure un certain temps. La collecte, la recentralisation et le recalculer l'allocation qui devra retourner dans les communes, ça prend aussi du temps. Et entre-temps, comment les communes seront en train de s'organiser, comment les communes seront en train de fonctionner et comment vont-ils même programmer, planifier leur développement. Et c'est ce souci de rendre effective la politique nationale de décentralisation au Burundi et qui nous pousse à demander un dialogue élargi de tous les acteurs pour que nous puissions voir de la même manière. Le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de se doter d'un numéro vert 22-22-50-36 dans le but de promouvoir une bonne gouvernance au sein de son ministère. Selon le porte-parole du dit ministère, Juma Edouard, cette ligne va aider surtout les usagers des services du ministère se trouvant à l'intérieur du pays qui pouvaient se déplacer inutilement alors qu'ils pouvaient avoir ces services sur place. Et de surcroît, ce numéro permettra de dénoncer au cas échéant les marvelisations économique. Le ministère a ouvert ce numéro 22-22-50-36 dans le but justement d'apporter au niveau du public une facilité qui leur permettrait de soit contribuer par des suggestions ou des propositions sur les activités du ministère ou alors pourquoi pas s'il y avait des doléances de pouvoir les transmettre aussi pour que des solutions soient trouvées. Ce qui est important surtout, c'est que la plupart des demandeurs de services ici au ministère quittent parfois l'intérieur du pays pour venir chercher une information qu'ils pouvaient bien obtenir à partir de chez eux sans devoir consentir des dépenses inutile. Ça va donc leur faciliter la tâche de pouvoir s'assurer que, effectivement, leur dossier conforme et complet, tous certains détails pourront les obtenir grâce à ce téléphone. D'autre part, il y a aussi, suivant notre plan d'action de lutte contre la corruption et les malversations économiques, que le cas échéant, les gens n'hésitent pas à dénoncer si il advenait qu'il soit placé devant une situation de corruption. Nous sommes maintenant disponibles désormais à les écouter, à prendre éventuellement leurs doléances et de leur apporter une réponse appropriée. Vous saurez que ces détenteurs de numéro de l'ONATER, soit en amob ou fixe, pourront appeler gratuitement à ce numéro vert. Certains des fonctionnaires l'ont peut-être déjà constaté, l'Office national des pensions et risques professionnels pour les fonctionnaires, les magistrats et agents de l'ordre judiciaire, ONPE, envoie ces derniers jours des messages sur les téléphones portables pour informer ses affiliés les points correspondant à leurs cotisations durant leur carrière. Comme l'explique le chargé de la communication au sein de l'ONPE, Philippe Sendazirasa, pour connaître l'argent correspondant à ces points, il faut multiplier le total de ces points par 45 francs burundais, qui est la valeur de service équivalent à un point. Philippe Sendazirasa, il est au micro de notre confrère Claver Hakizimana. D'abord, il y a des points qui montrent la carrière que les affiliés ont effectuée avant que l'ONP soit créé. Il y a 280 points qui ont été offerts aux affiliés. Ici, on appelle les points gratuits à l'entrée de l'ONP. Il y a les points cotisés. Avec le total de ce point, vous multipliez le total de ce point par 45. 45 qui est la valeur de service d'un point. Envoyez, vous trouvez les prestations en argent que vous avez à l'ONP jusqu'au 31 décembre 2016. Le problème, c'est qu'il y a des affiliés qui ne reçoivent pas ces SMS. En fait, nous avons lancé un message depuis un certain temps demandant à tous les affiliés de l'ONP de nous envoyer des numéros matricules et des numéros de téléphone portable. D'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore envoyé leur numéro matricule et numéro de téléphone portable ici à l'ONPR, qu'ils puissent le faire rapidement. Il y a des affiliés qui disent que les points obtenus ne correspondent pas à leur ancienneté. Quel est le comportement qu'ils devraient adopter? Ces cas, ce sont des cas individuels qui peuvent être traités cas par cas, par téléphone ou par visite ici à l'ONPR. On peut contacter le service chargé de l'informatique qui est en train de transmettre ces points. Dans les documents exigés par l'ONPR, chaque affilié qui part en retraite doit amener une décision de régularisation de la carrière. Cette décision de régularisation de la carrière nous aide à bien compter la carrière et à traduire la carrière de nos affiliés en prestations de retraite. Ce dernier élément de ce journal, 283 vaches ont été distribuées par le projet Penaceder du FIDA à la population de la commune Rugombo de la province Chibitoke dans le but d'améliorer l'élevage des bovins dans cette province, comme le fait savoir Célestin Lupereza, chargé de suivi et évaluation à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Chibitoke, un tel nombre de vaches est prochainement attendu en commune Ouganda. Il demande aux éleveurs de Chibitoke de respecter les conseils prodigués par les encadreurs de la DPAE pour bien entretenir ces vaches. La province de Chibitoke commence à réussir avec le domaine de l'élevage. D'abord, d'une part, suite à l'encadrement de PDDPAE, parce que nous avons des techniciens de la colline jusqu'au niveau de la DPAE siège, qui travaillent en étroite collaboration avec les moniteurs agricoles, qui doivent faire un encadrement à très serré en étage des agriculteurs. Et en plus de cela, nous avons quand même des projets, surtout les projets de FIDA, qui appuient énormément dans le domaine de l'élevage. Très récemment, on venait de distribuer des 183 vaches dans la commune de Rugombo. Très prochainement, on va distribuer d'autres vaches à la commune de Rugombo par le biais du projet Penaceder Imbo Mosso. Il y a d'autres projets antérieurs qui avaient distribué des vaches comme le Prodefi, le Paiva B, le Propao. Comme il y a un système de remboursement via la chaîne de solidarité communautaire, nous pensons que ce système va faire que beaucoup d'éleveurs vont avoir au moins une vache chez eux. Mais il y a quand même un problème d'alimentation. Mais quand même, avec le système de la stabilisation permanente, on va essayer de valoriser d'abord les résultats de la récolte avec l'encadrement qu'on va y faire pour pouvoir les nourrir à l'état. Nos agriculteurs, nous les conseillons d'abord d'écouter les conseils qui ont donné par nos techniciens, d'abord en matière de suivi des activités d'agri-élevage. Ensuite, nous leur demandons de valoriser les produits de la récolte. Il faut faire un minimum de traitement pour pouvoir valoriser les produits de la récolte et faire des spéculations avec un nombre d'augmenter le revenu de l'éliminage. Eh bien, chers fidèles auditeurs de la radio scolaire de Ragakura, c'est ici que s'achève cette édition de la matinée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Eric Sikubgao était à la présentation. Au revoir.